بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala la lecture de cette écrit très profitable de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. On est arrivé à sa parole lorsqu'il dit ما يشترط لصلاة العيد, ce qui est donc mis en condition pour la prière du Eid. Il dit rahimahullah ta'ala wa yushtaratu li salati al-eid al-istitan bi an yakuna alladhina yuqimunaha mustawtinina fi masakin mabniyatin bima jarat al-'adatu bil bina' bihi. Il est mis en condition pour la prière du Eid l'état de résidence. C'est-à-dire que ceux qui vont accomplir la prière du Eid résident dans des demeures construites comme cela est connu dans la construction. Ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum, c'est que ce ne sont pas des gens du voyage. Ce ne sont pas des gens du voyage. Des gens qui viennent avec des tentes, ou alors on a en France, je pense que ce sont les gitans en France, donc des personnes qui voyagent avec des véhicules adaptés à leur situation. Et donc ces gens-là, s'il y a des musulmans dans cette situation et qu'ils sont tous réunis à un endroit, wa alaykoum assalam wa rahmatoullah, alors la prière du Eid ne leur est pas imposée, ne leur est pas obligatoire. La prière du Eid concerne donc ceux qui sont dans des demeures, des maisons construites. كما في صلاة الجمعة comme pour la prière du Jumu'ah. فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصليها وكذلك خلفاؤه من بعده. Et donc il nous dit le Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. Et donc cette prière, la prière du Eid, ne peut être accomplie que de la même manière que la prière du Jumu'ah peut être accomplie. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait son pèlerinage, et durant son pèlerinage justement, donc le jour du Eid est arrivé, donc il était en voyage le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas prié, il n'a pas accompli la prière du Eid. Et même chose pour ces califes qui sont passés après lui, ils ne l'ont pas fait. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Ensuite, il y a un autre point que ici, en condition, l'auteur n'a pas cité. Le nombre. Quel nombre va être pris en compte pour accomplir la prière du Eid? Est-ce qu'il faut forcément un grand nombre ou pas? Ça, c'est un grand sujet de divergence, ou du moins, quand je dis grand sujet de divergence, je ne veux pas dire par là qu'il y a de grosses preuves à chaque fois de tous les côtés, mais c'est qu'il y a beaucoup d'avis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis sur ce sujet, le plus petit nombre qui nous permet d'accomplir la prière du Eid. Et en réalité, les deux avis les plus prépondérants sont donc les deux avis suivants, celui qui stipule que pour accomplir la prière du Eid, nous devons être au minimum à trois. Au minimum à trois. Le deuxième avis, nous devons être au minimum à deux. Ensuite, il y a plein d'autres avis, 40, etc., etc. Mais tous ces avis-là ne sont pas basés sur des preuves. Maintenant, ceux qui disent que nous devons nous baser sur un minimum de trois personnes pour accomplir la prière du Eid, c'est-à-dire l'imam et deux autres personnes. Pourquoi ? Parce que donc le jam', le pluriel en arabe, commence par trois. En arabe, on a le singulier, un. Ensuite, on a le duel, deux. Et ensuite, le pluriel qui commence par trois. Et donc, ils disent, vu que c'est une prière qui se fait donc en communauté, et donc, il faut un minimum de trois personnes. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, deux personnes suffisent. On est deux, ça suffit pour accomplir Salat al-Eid. Pourquoi ? Eh bien, eux, ils nous disent que le pluriel commence à partir de deux. Le pluriel commence à partir de deux. Est-ce qu'il y a des preuves ? Oui, il y a des preuves. Comment ça, la salat ? Ah oui, ça, on va y arriver, Inch'Allah. Et donc, le pluriel, ça, c'est un autre argument encore. Le pluriel commence à partir de deux, même dans la langue arabe. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir Ali et Fatima, et il leur a dit, « Ela tusalloun. » Ne priez-vous donc pas. Il a utilisé le jama' pour deux personnes. Il a utilisé le pluriel pour deux personnes. Il n'a pas utilisé le duel, « Ela tusalliyan. » Il a dit, « Ela tusalloun. » Il y a aussi un autre verset, In tatuba ila Allahi faqad sarat qulubukuma. In tatuba, si vous vous repentez toutes les deux à Allah. Faqad sarat qulubukuma. Ici le terme qulub, le pluriel qui est utilisé pour deux personnes, qulubukuma. Et donc les savants nous disent que le pluriel dans la langue arabe peut aussi commencer à partir de deux. Et d'ailleurs, la prière, donc la prière commune que nous faisons à la mosquée tous les jours, donc le minimum qui est demandé pour cette prière, c'est un nombre de deux personnes. C'est un nombre de deux personnes. Et donc cet avis est le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, le fait que s'ils sont deux personnes dans la ville, deux musulmans, ils peuvent accomplir la prière du Eid, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, Hafidahullah adadu raka'ati salat al-Eid, le nombre d'unités de la prière du Eid. Wa salatul Eid raka'atani qabla al-khutbah. La prière du Eid se compose de deux unités avant le sermon. Liqawli ibn Omar, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Et ceci en se basant sur la parole d'Ibn Omar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr, Omar et Uthman, ils accomplissaient la prière les deux prières du Eid avant le sermon. Muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qad istafadat as-sunnah bidhalika wa alayhi 'ammat ahli al-'ilm. Et certes, la sunna, il y a énormément de textes dans la sunna qui montrent cela. Et ceci est l'avis de la grande majorité des gens de science. At-Tirmidhi, rahimahullah, il dit wal 'amalu 'alayhi 'inda ahli al-'ilm min ashabi an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam wa ghayrihim anna salat al-'eidain qabla al-khutbah. Et donc At-Tirmidhi, après avoir cité ce hadith, il dit, et certes, c'est en se basant sur ce hadith que les savants œuvrent, et ainsi que donc parmi que les savants, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres. Le fait que la prière des deux Eid se fait avant le serment. Wa hikmatu ta'khir al-khutbati 'an salat al-Eid wa taqdimiha 'ala salat al-jumu'ah anna khutbat al-jumu'ati shartun lis-salat. والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. Et donc ici le cheikh nous dit la sagesse qu'il y a dans le fait d'accomplir la prière, d'accomplir le sermon du Eid après la prière et le sermon du Jumu'a avant la prière, c'est que pour le Jumu'a, le sermon est une condition. Le sermon est une condition. Si l'imam, il vient et il fait juste la prière, il ne fait pas le sermon avec, alors cela n'est pas accepté. Il faut recommencer. Tayyib. Et donc, il nous dit, concernant la prière du vendredi, le sermon est une condition. Mais concernant la prière du Eid, ce n'est pas une condition. Et certes, la condition, elle précède l'acte d'adoration. Yarhamukallah. Mais le serment est une sunna pour la prière du Eid. C'est une sunna. Wa salatul Eidaini raka'atani bi ijma'il muslimin. La prière des deux Eid se compose de deux unités, et ceci selon l'unanimité des musulmans. Wa fi sahihaini wa ghayrihima an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawm al-fitri فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. Et certes, dans les Sahihain, dans les deux recueils authentiques et autres, d'après Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, que le message, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le jour de la rupture du jeûne et il a accompli deux unités de prière. Il n'a pas prié avant cela ni après cela. Et donc, on comprend ici qu'il n'y a pas de nawafil concernant cette prière. Wa qala Omar, salatul fitri wal udha rak'atain. Omar, il dit, la prière du fitr, donc de la rupture du jeûne et du sacrifice, se compose de deux unités. Tamamun ghayru qasrin. Et donc, ces deux unités qui sont complètes, elles n'ont pas été diminuées. Ala lisani nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci selon la langue de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes celui qui ment, celui qui invente, a perdu. Rapporté par Ahmed et d'autres. Naam. Ensuite il dit l'auteur rahimahullah, al-adhan wal-iqama fi salat al-eid. Donc al-adhan et l'iqama concernant la prière du eid. Wa la yushra'u li salat al-eid adhan wa la iqama. لما روى مسلم عن جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. Et donc il n'est pas permis, il n'est pas légiféré d'accomplir un adhan ou un iqama pour la prière du Eid. Et ceci à cause de ce qu'a rapporté l'imam Muslim dans son sahih d'après Jabir radiyallahu anhu qui dit j'ai accompli la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière du Eid. Donc, pas une fois, mais pas deux fois. C'est-à-dire, je l'ai fait plusieurs fois, la prière du Eid. Et il a commencé par la prière avant le sermon, sans faire de Eden, ni de Iqama. Tayyib, moi j'ai une question. Donc, on ne peut pas faire l'appel à la prière. Est-ce que c'est permis de faire Es-salat ou Jami'a? Est-ce que c'est permis de dire « Es-salat ou jami'a » Avant de faire la prière. Pour rassembler les gens ils sont là, ils sont assis, ils sont posés, etc. Et là l'imam il arrive. « Es-salat ou jami'a » « Es-salat ou jami'a » On ne fait pas l'Eden, mais il dit ça pour que les gens sachent. Khalas, les gens sachent qu'on va faire la prière. Permis ou pas? On ne voit pas tous les mêmes. Alors, c'est permis, non? Tayyib, il y a certains savants qui ont dit que c'est permis. Ils se sont basés sur le fait que cela se fait pour la prière du Koussouf. La prière du Koussouf, cela est possible. Es-salat ou jami'a. Il n'y a pas d'Eden, il n'y a pas d'Ikama, mais l'imam peut dire aux gens Es-salat ou jami'a. Et donc, ils ont fait un qiyas. Et d'autres savants, ils disent non, il n'y a pas de qiyas ici. Et ça, c'est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala. Il n'y a pas de Eden, pas de Iqama, et on ne dit pas non plus Es-salat ou Jami'a. L'imam, il arrive, il se tient debout. Lorsque l'imam arrive, les gens vont se lever. Le premier rang, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Tout le monde va se lever. Tout le monde va s'aligner, inshallah ta'ala. Et ensuite, l'imam commence directement ça. Prière, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est là qu'on commence avec Sifatu Salatil Eid wa Takbiru Fiha. La description de la prière du Eid et le Takbir dans celle-ci. Tayyib. Et donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, Yukabbiru fi rak'atil oula ba'da takbiratil ihram wal istifta'i. Et donc la personne, va accomplir 6 takbirat, donc 6 fois Allahu Akbar, après avoir fait le takbir de la sacralisation, c'est-à-dire le premier takbir, donc quand on commence la prière. Donc après avoir fait le premier takbir de sacralisation, ainsi que l'invocation de début de prière, après avoir fait cela, la personne va faire les 6 takbirat. Et ensuite, at-ta'awudh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et ensuite la récitation, bismillahir rahmanir rahim, et al-fatiha. Et donc on a ici, dans cette première unité, on a un total de 7 takbirat avant de commencer la lecture. Et donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, fait takbiratul ihram ruknun. La buddha minha, wa la tan'aqidu salatu bidunha. Et donc, le takbir de sacralisation est un pilier. Il est impératif de le faire et la prière ne commence pas avant celui-ci. Wa ghayruha min at-takbirat sunnah. Thumma yastaftihu ba'daha. لأن الاستفتاح في أول الصلاة ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست. Et donc il nous dit, le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, et les autres takbirat, donc en dehors du takbir de sacralisation, les autres takbirat sont donc une sunna, sont recommandées. Et donc après le takbir de sacralisation, la personne va faire l'invocation d'ouverture de la prière, car cette invocation se fait en début de prière. Puis elle va donc faire les 7 takbirat qui sont rajoutés à cette occasion, à l'occasion de la prière du Eid. Les 6, excusez-moi. J'ai traduit 7 par 7. C'est un réflexe. Et donc les 6 takbirat qui sont rajoutés à cette occasion. Thumma yata'awwadhu عقب التكبيرة السادسة. Et donc la personne, après avoir fait donc le sixième takbir, elle va donc implorer la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. A'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim. لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ. Car cette invocation se fait pour la récitation, elle se fait juste avant. طيب. Est-ce que tu lèves les mains quand tu fais le takbir? Non. Sûr? Sujet de divergence. Sujet de divergence? Il n'y a pas un prix, c'est que c'est généreux. Ah, mashallah. Alors, donc tu ne m'as pas répondu. Tu m'as fait comme tout à l'heure. Tu m'as ramené une problématique. Moi, j'avais dit non. Tu dis non. Alors, ici, barakallahu fikoum. Concernant ce sujet, premièrement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait les mains pour les takbirat. Ce que je veux dire ici, les takbirat de la prière, takbirat al-intiqal, pour les déplacements durant la prière. Il levait les mains pour les takbirat, il a été rapporté qu'il levait les mains pour les takbirat de salat al-janaza, la prière mortuaire. Et concernant la prière du Eid, il a été rapporté que Abdullah ibn Omar le faisait. Abdullah ibn Omar, il levait les mains. Et les savants, ils nous disent ça, Abdullah ibn Omar, ce genre de choses, ce genre d'agissements ne se prennent pas, ne se font pas en se basant sur un ijtihad, se basant sur un effort de réflexion. Mais ici, Abdullah ibn Omar, il a forcément pris cela du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment que ceci a été rapporté d'autres compagnons que Abdullah ibn Omar. Ceci a été rapporté d'autres compagnons que lui. Et donc, voilà pourquoi les savants ils disent, il est recommandé donc de lever la main. D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit que le mieux, c'est de lever la main. Mais par contre, est-ce qu'on va faire le takbir à voix haute? Non, ça non. L'imam à chaque fois, donc, il fait le takbir. Les gens, ils ont pris le réflexe, ils prennent le réflexe de prononcer le takbir à voix haute. Ça, c'est une erreur. C'est le madhhab malikite. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit propagé dans tous les pays du Maghreb. Mais c'est une erreur. Ce n'est pas la sunna. Ce n'est pas la sunna. Tayyib. Ensuite, il dit Hafizahullah wa yukabbiru fi rak'ati thaniya qabla al-qira'a khamsa takbirat ghayra takbirati al-intiqal. Et donc, concernant la deuxième unité de prière, alors là, la personne, elle va accomplir 5 takbirat en dehors, en plus, du moins, du takbir de déplacement. Takbir de déplacement parce que la personne, elle a fini la première unité, elle était au sol. Elle a fini la première unité, elle était au sol. Elle se lève avec une takbira, Allahu Akbar. Et donc, celle-ci, elle ne compte pas encore. Et après cela, on commence les 5 takbirats. Ça fait un total de 6. L'imara wa Ahmed an Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kabbara fi 'id fi al-'id. Ici il manque un alif wa lam. أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 ركعة أو تكبيرة عفوا 7 في الأولى و5 في الآخرة وإسناده حسن. Et donc la preuve de ceci est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed d'après Amr ibn Shu'ayb de son père, de son grand-père, que le prophète صلى الله عليه وسلم durant la prière du عيد a fait donc 12 takbirat, 7 dans la première unité et 5 dans la deuxième. Wa na'am wa ruwiya ghayru dhalika fi adadi takbirat. Et certes, il y a aussi d'autres nombres qui ont été rapportés, d'autres nombres concernant le nombre des takbirat. Donc là on a 12. Mais il y a aussi d'autres nombres qui ont été rapportés dans la description de la prière du Eid. Et donc comment on fait? L'imam Ahmed rahimahullah, il dit ikhtalaf ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi at-takbir. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé concernant le takbir, c'est-à-dire le nombre de takbirat qu'on fait avant la lecture. Il dit tout cela est permis. Tout cela est permis, inshallah ta'ala. Mais ce qui est le plus répandu, c'est ce qui a été cité donc par le shir. Tayyib. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira. Ici, donc il nous dit le cheikh wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira li'annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Et donc la personne, elle lève ses deux mains à chaque takbira qu'elle va faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains pour le takbir. Attention, il faut bien comprendre. Ici, le cheikh, il ne nous dit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains pour le takbir, c'est-à-dire tous les takbirs, les 6 qui sont faits après takbirat al-ihram et les 5 qui sont faits après takbirat al-intiqal. Il n'a pas dit ça, le cheikh. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Pourquoi? Parce que ça, on n'a pas un texte authentique qui remonte jusqu'au prophète. Mais on sait que le prophète, il avait l'habitude de lever les mains pour les autres prières, il avait l'habitude de lever les mains pour les takbirs. Tayyib. Mais ici, c'est le texte de Abdullah ibn Omar. C'est le texte d'Abdullah ibn Omar. Et les savants qui nous disent, Abdullah ibn Omar, il n'a pu prendre cela que du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, le cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, wa yusannu an yakul bayna kulli takbirayn, Allahu akbaru kibiran. Et donc, il est recommandé de dire entre chaque takbir. Donc, il dit, Allahu akbar. Et ensuite, Allahu Akbar, mais entre les deux takbir, il dit Allahu Akbar kibiran walhamdulillahi kithiran wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin an-nabi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman kithiran. Et ceci, donc, liqawli Ukbah ibn Amir سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Et la preuve de cela, c'est donc le hadith de Uqbah ibn Amir qui dit j'ai interrogé ibn Mas'ud concernant ce qu'il dit Donc, après les takbirat, donc durant la prière du Eid, il a répondu, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il loue Allah, il fait ses éloges et donc invoque en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa rawahu al-Bayhaqi bi isnadihi an Ibn Mas'ud, wa qawlan wa fi'lan wa qala. وقال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن. Et donc Al-Bayhaqi a rapporté ce texte donc avec sa chaîne de transmission qui monte jusqu'à Ibn Mas'ud, la parole d'Ibn Mas'ud, donc le fait qu'Ibn Mas'ud a cité cela, ainsi que l'acte d'Ibn Mas'ud, le fait qu'il l'a fait durant la prière, et Hudhayfa qui confirme en disant Siat Abu Abd al-Rahman, c'est-à-dire Ibn Mas'ud a dit vrai. فإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس لأنه ليس فيه ذكر معين. Si la personne fait une autre invocation que celle-ci, il n'y a pas de mal, car en réalité il n'y a pas une invocation particulière qui a été citée. قال ابن القيم كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات انتهى. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se taisait, il avait un léger silence entre chaque takbira, et il n'a pas été rapporté de lui qu'il ait cité donc une invocation particulière. Fin de citation. Et donc ici, donc le shir, quand il nous a cité l'invocation tout à l'heure, attention, la preuve qu'il a utilisée, elle ne cite pas une invocation particulière. Ibn Mas'ud, il dit, il loue Allah, il fait ses éloges et il invoque en faveur du prophète. Mais il n'y a pas des termes particuliers qui ont été cités. Voilà pourquoi, donc le musulman, entre chaque takbira, il fait l'invocation qu'il veut, inshallah ta'ala. Wa in shakka fi adad at-takbirat bana 'ala al-yaqin wa huwa al-aqall. Si l'individu doute concernant le nombre de takbirat qu'il a accompli, alors à ce moment-là, il se base sur la certitude, et la certitude, c'est le plus bas nombre. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط لأنه سنة فات محلها. Par contre, si la personne oublie le takbir, il est arrivé, il a fait 4 takbirat, ensuite il commence à réciter le Coran. Et donc s'il a oublié des takbir et qu'il a commencé à réciter, alors là, donc ces takbirat, donc il ne lui est pas obligatoire de les faire, car c'est une sunna, c'est une sunna, et le moment de le faire est passé. Wa kadha in adraka al-ma'moum al-imam ba'da ma shar'a fi al-qira'ah lam ya'ti bi takbirat az-zawa'id. Ça c'est important. Même chose si le fidèle il arrive dans la prière alors que l'imam a déjà commencé la récitation. Il a déjà commencé la récitation. Alors là, le fidèle il ne va pas rattraper les takbirat qui sont déjà passés. Parfois, certaines personnes arrivent, l'imam il est en train de réciter, et la personne elle arrive en retard, elle commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, elle essaie de rattraper les takbirat. Non, tu n'as pas rattrapé les takbirat. C'est une sunna. Maintenant, l'obligation, c'est que tu écoutes la récitation. Les takbirat sont sunna, et le fait d'écouter la récitation, c'est obligatoire. Et l'exception, elle a été faite concernant Al-Fatiha. L'exception a été faite concernant Al-Fatiha. Illa bi fatihatil kitab. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou adrakahu raki'an fa innahu yukabbir takbirat al-ihram thumma yarka wa la yashtaghil bi qada'i takbir. Et donc, même chose s'il arrive dans la prière et que l'imam il est incliné, il est raki'a. Alors là, la personne elle fait son takbir de sacralisation pour rentrer dans la prière et ensuite elle s'incline directement. Elle ne s'occupe pas au fait de rattraper le takbir. Tayyib, on a déjà vu précédemment que la personne elle peut rattraper le takbir de intiqal, le takbir du déplacement de la station debout à incliné. Ça, elle peut le faire. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة. Mais c'est là que j'aurais dû mettre mes notes. وصلاة العيد ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني وقد أجمع العلماء على ذلك ونقله الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين عليه. Et donc il nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, la prière du Eid se compose de deux unités durant lesquelles l'imam va réciter à voix haute. Il va réciter à voix haute. Ceci en se basant sur la parole d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à voix haute durant les deux prières du Eid ainsi que la prière de Al-Istisqa, la prière de la demande de la pluie, rapportée par Ad-Darqutni. Et certes, les savants sont unanimes sur ce sujet. Et ceci a été rapporté, donc les khalafs, et donc les savants donc contemporains ont rapporté cela des savants anciens. Wastamarra amalul muslimin alayhi, et certes les musulmans ont toujours œuvré ainsi. Tayyib. Et donc durant la prière du Eid, durant la prière de l'Istisqa, durant la prière du Jumu'ah, on va prier à voix haute alors que c'est une prière qui se fait de jour. Et on est habitué à ce que les prières qui se font en journée, ce sont des prières qui se font donc à voix basse. Al-Dhuhr, Al-Asr, ce sont des prières qui se font à voix basse parce qu'elles se font en journée. Al-Jumu'ah, à voix haute. Al-Idayn, à voix haute. Al-Istisqa, etc. Pourquoi ? Hein? Ça a été rapporté par des textes, mais pourquoi? En fait, la règle générale, c'est que toutes les prières pour lesquelles il est légiféré de faire un grand rassemblement, alors là, il est permis, et donc la sunna concernant toutes ces prières est de les faire à voix haute. Toutes les prières pour lesquelles il est légiféré de faire un grand rassemblement, donc la sunna concernant toutes ces prières est de les faire à voix haute. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى. Et donc durant la première unité après la Fatiha, la prière, donc l'imam il va réciter donc la prière donc الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية. Durant la deuxième unité, l'imam va réciter la sourate الغاشية. L'Ikawli Samura, en se basant sur la parole de Samura, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il récitait durant les deux Eid, Sabbih isma rabbika al-a'la, ainsi que Hal ataka hadithul ghashiya, rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah. Ou yakra'u fi rak'atil oula bi qaf. Donc là, on a une deuxième possibilité, une deuxième sunna aussi, concernant cette même prière, le fait que la personne, que l'imam, il récite durant la première unité, après la Fatiha, il récite la sourate Qaf. Et dans la deuxième unité, il récite donc Iqtarabat al-sa'atu wa anshaqqa al-qamar. Et ceci en se basant sur le hadith qui est dans Sahih Muslim, ainsi que As-Sunan et d'autres. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait avec sourate Qaf et sourate Iqtarabat. Et ensuite, donc dernièrement, donc le cheikh qui nous dit qala cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah mahma qara'a bihi jaz kama tajuzu al-qira'atu fi nahwiha min as-salawat. Cheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah, il dit peu importe ce que l'imam va réciter, alors cela est permis comme cela est permis dans les autres prières. لكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا وكانت قراءته في المجامع الكبار بالصور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم. Et donc il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, donc cependant, si la personne, elle récite avec Qaf et Iqtarabat, et autre que cela, parmi les sourates qui ont été rapportées dans les textes, alors ceci est bien. Et la personne, quand elle récite dans ces grands rassemblements, elle récite donc les sourates qui abordent le sujet du tawhid, les ordres, les interdictions, le début et la fin, les histoires des prophètes avec leur communauté. Wa alaykoum assalam wa rahmatoullahi. Les histoires du prophète avec leur communauté. Wa ma amala Allahu bihi min kadhibihim wa kufrihim. Wa kufrihim wa ma halla bihim min al-halak wa ash-shaqa. Et aussi donc les sourates qui contiennent la rétribution qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé donc aux incroyants à cause du fait qu'ils ont mécru en leur prophète et donc les diverses sanctions qui ont été citées concernant donc leur perte, le fait que ces gens-là furent menés à leur perdition et qu'ils furent malheureux. وَمَنْ آمَنَ بِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ. Et aussi les sourates qui stipulent ceux qui ont cru aux prophètes et les ont suivis. وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّجَاتِ وَالْعَافِيَةِ انْتَهَى. Et aussi donc les sourates qui citent ce que ces gens-là, donc les gens qui ont suivi les prophètes, ce qu'ils ont eu, donc comme le fait d'être sauvés, d'être préservés. Fin de citation. Et en réalité, les frères, barakallahu fikoum, en réalité, tout le Coran, il parle de ça. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, tout le Coran, il parle de tawhid. Tout le Coran parle de tawhid. Parce que soit le Coran, il parle du tawhid en ordonnant, donc, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Donc ça, c'est le tawhid. Soit le Coran parle des autres actes d'adoration, ou du moins des ordres et des interdits qu'il y a dans la religion. Il dit, Mulkayim, et ça fait partie de la perfection du tawhid. Donc tu as le tawhid. Mais dans la perfection du tawhid, tu as tes actes d'obéissance et le fait que tu vas délaisser ce qu'Allah t'a interdit. Ça fait partie de la perfection du tawhid. Et aussi le fait que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il cite donc les histoires des prophètes. Les histoires des prophètes. Et le fait qu'ils aient appelé au tawhid. Et donc ça c'est le tawhid. Et le fait que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il cite les peuples de ses prophètes. La récompense de ceux qui ont suivi les prophètes. Et ça c'est le tawhid. Puisque ils ont suivi les prophètes dans le tawhid. Et la rétribution douloureuse de ceux qui n'ont pas suivi les prophètes. Parce que ça, c'est le tawhid. Ils n'ont pas voulu suivre le tawhid. Et donc, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, le Coran, du début à la fin, il aborde le sujet du tawhid. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Pour ce matin, du moins. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.